En espagnol, il existe trois groupes de verbes. Il y a les verbes en AR, AR, comme hablar, qui veut dire parler. Les verbes en ER, qu'on prononce R, comme comer, manger. Et les verbes en IR, IR, comme venir, venir, ou salir, sortir. D'ailleurs, remarquez que salir veut dire sortir, hein, et non pas salir. Hein. Vous avez certainement vu à l'aéroport les panneaux salide, hein, sorti. Hein. Donc, salir, c'est sortir. Comme tous les infinitifs espagnols se terminent par un R, hablar, comer, salir, etc., vous devez insister sur leur dernière syllabe. Car, à l'oral, on accentue normalement la dernière syllabe de tous les mots qui finissent par une consonne. Par contre, quand un mot se termine par une voyelle, là, à l'oral, il faut normalement accentuer l'avant-dernière syllabe. Donc, tengo, tengo, quiero, quiero, necesito, necesito, importante, importante, restaurante, restaurante. Donc, je le répète, tous les fois où vous avez un mot qui finit par une voyelle, en principe, il vous faut accentuer l'avant-dernière syllabe. Donc, insistez sur cette syllabe à l'oral. Et quand un mot finit par une consonne, il faut accentuer la dernière syllabe, sauf quand cette consonne est un N ou un S. Quand un mot se termine par un N ou un S, alors on insiste sur l'avant-dernière syllabe, comme pour les mots qui finissent par une voyelle. Pour vous aider à retenir cette règle, pensez au mot son, S-O-N, qui contient un S, une voyelle et un N. Donc, à chaque fois que vous avez un N, un S ou n'importe quelle voyelle à la fin d'un mot, à l'oral, il faudra accentuer l'avant-dernière syllabe. Voilà, de la même manière qu'il existe le mur du son, nous aurons notre règle du son. Avec toutes les autres consonnes, on accentuera la dernière syllabe. Avec toutes les consonnes, sauf N ou S, qui obéissent à notre règle du son. Il existe cependant des mots qui n'obéissent pas à la règle du son. Ces mots-là sont très faciles à repérer, car ils portent toujours un accent à l'écrit, un accent aigu. Pour les mots qui échappent à la règle du son, cet accent aigu vous permet de savoir sur quelle syllabe il faudra insister à l'oral. Donc, si vous allez en Espagne et vous voulez visiter Córdoba en espagnol, comment écrirez-vous Córdoba? C'est O avec un accent R-D-O-B-A? Oui, c'est bien ça. C'est O et on a un accent aigu sur le O, car on dit bien Córdoba. Hmm? Suivant la règle du son, ça devrait être Córdoba. Or, ce n'est pas Córdoba, mais Córdoba. Ça n'obéit pas à la règle du son. Donc, on a un accent aigu à l'écrit. De la même manière, Mexico, c'est México. Il y a un accent aigu sur le E. Sans ça, ça serait México. Alors qu'en espagnol, on dit bien México. Et maintenant, comment dites-vous condition? Condition? Condition. Il y a un N à la fin. En fait, suivant la règle du son, ça ne devrait pas être condition, mais condition. Or, ce n'est pas condition, mais condition. Donc, les mots en I ou N ont un accent aigu sur le O. Parce que, à l'oral, c'est cette dernière syllabe sur laquelle on insiste, contrairement à la règle du son. C'est le cas de tous les mots en ION, condition, position, etc. Alors, comment direz-vous situation? Situation? Situation. D'accord? Situation. Et impression, c'est? Impression. D'accord. Impression, oui. Et en espagnol, ça s'écrit avec un seul S. Hein? Il n'y a pas de double S en espagnol. Impression. Donc, quelle impression avez-vous de la situation? Se dira. Que impression, oui. Avez-vous? Tiene. Encore une fois. Tiene. Tiene, hein, d'accord. De la situation. De la situation. Situation. D'accord. Que impression tiene de la situation?